les 20 heures qu'avant le tien. Moi je vais m'en faire un. Je mets le cash cool, les lunettes, le survêt épais sans le parfum. Et la police sur mes reins sont pleines de convocations. Pourtant moi j'ai fait rien malgré toutes les tentations. La chambre c'est ma cellule, la vie ça va à 6000. Alors moi j'assimile en regardant la pleine lune. Les soucis me tombent sur la tête, alors je prends du recul. Faut que j'efface les photos des traites qu'il y a dans ma pellicule. Tiens bon on m'a dit, je te souhaite le paradis. J'en ai vu mourir jeune d'une balle ou d'une maladie. Je calcule pas les gadis, si ça t'a pas dit. Je fais des 100 en 2-2, je fais même danser ta tatie. Des problèmes au